LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. 3, 2, 1, see ya! L'extrême, c'est quand c'est plus que ce qu'on a appris à faire. C'est de se mettre en équilibre comme fait un petit enfant quand il apprend à marcher. Il se penche en avant et puis des fois il se casse la figure et puis des fois il met un pied devant l'autre et puis du coup il avance. Et quand il avance, il va aller voir d'autres choses. Mais ça c'est l'aventure. On se lance dans des choses avec évidemment l'interrogation, est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas, etc. Mais c'est l'aventure. L'aventure pour moi c'est ce moment magique qui nous force à aller chercher au fond de nous-mêmes les ressources et les compétences qu'il faut pour survivre, pour réussir, pour créer, pour innover. C'est un mot qui est tellement galvaudé. L'aventure, c'est de sortir son champ de compétences et de son champ de sérénité et de son champ de facilité. Et puis, il y a le stade après l'aventure qui est celui de l'exploration. On ne fait pas simplement quelque chose que d'autres ont fait, mais qu'on apprend à faire soi-même, pour au contraire entrer dans quelque chose où personne n'a jamais été. À la limite du danger, finalement. Parce qu'on sait qu'on a un risque évident de mort. Pour moi, l'aventure, c'est inventer sa vie. C'est ça, l'aventure. Moi, je pense que l'aventure, c'est quelque chose qui est une manière de se développer soi-même. Après, il y a l'aventure extrême. C'est quelque chose qui ne se décrète pas, c'est quelque chose qui est inné. Il faut avoir quelque chose en soi qui le demande, et il faut le satisfaire. On ne repousse pas ses limites, on se découvre. On ne repousse pas ses limites, on se découvre, on se découvre. S'accomplir dans l'exploit. Jérôme Sandelaars, Yvon Croisier. Jean-Louis Etienne, on se retrouve chez vous, ici à Paris, dans le 15e arrondissement. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour du propriétaire? Parce que je vois qu'autour de nous, il y a pas mal de photos. Oui, et il y a pas mal de vitres. Vous voyez déjà tout autour, j'ai besoin de voir le ciel. Sinon, effectivement, je me suis entouré de peu de choses, mais de choses qui ont jalonné mon existence, mes désirs. Il y a des bouts de bois. Des bouts de bois avec quelques outils, vous voyez, un ciseau à bois. Mon choix d'origine, c'était d'être menuisier. Moi, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième, vous voyez, donc je suis rentré en apprentissage. Et il n'y avait pas de place dans la section menuiserie. Donc j'ai fait un CAP de tourneur-fraiseur, mais je reste très attaché au bois, vous voyez cette table. Jean-Louis Etienne, vous reprenez les études un peu plus tard, et là vous tournez vers médecine. Oui. Comment naît votre désir d'aventure? L'appel du pôle, comme vous l'appelez. Vous savez, de temps en temps, bon, je fais des conférences, il y a toujours quelques enfants qui sont là. Alors, quelle est votre première expédition? Alors, je dis, ma première expédition, je l'ai faite à 8 ans. Alors, le gamin, il ouvre les grands yeux comme ça. J'ai dit, j'ai campé au fond du jardin. En fait, j'aimais ça, j'aimais vivre dehors. Donc, j'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Pourquoi en hiver? J'avais 14 ans, mais je rêvais d'expédition. On avait à la maison, je ne sais pas, mon père était tailleur et ma mère vendait dans un magasin d'habits. Donc on n'avait pas d'aventurier dans la maison. J'appelais ça des expéditions. Vous voyez, quand on avait un peu de neige dans le Tarn, il y a le Pic de Nord, c'est un truc très rond qui a 1000 mètres, 1200 mètres. En hiver, il y avait de la neige. Et de temps en temps, mon père, il m'amenait à la 4 chevaux et je rêvais, je m'imaginais être dans les grandes montagnes. En fait, c'était la montagne qui me fascinait, vous voyez. Mais j'avais des idoles comme Walter Bonatti, la photo de Walter Bonatti dans la face nord du Cervin en hiver, qui était la couverture de Paris Match. Vous voyez, c'était des héros. Lionel Terray, c'est pareil. Les conquérants de l'inutile. Les conquérants de l'inutile, magnifique. On peut le relire tout le temps, toute sa vie, Les conquérants de l'inutile. C'est tellement bien écrit. Je connaissais le massif du Mont-Blanc sans jamais y avoir été, en lisant Frison Roche, qui premier était de cordée. Premier de cordée. Et donc je savais, je connaissais le massif du Mont-Blanc par la lecture de Frison Roche avec la carte sous les yeux. Et donc, comme vous l'avez dit, j'ai fait médecine, puis j'étais interne en chirurgie. Et là est revenu ce désir de faire des expéditions. Et j'ai proposé mes services de médecin. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier de toutes ces aventures. J'ai fait la course autour du monde avec Tabarly. J'étais en Himalaya, à l'Everest, en Patagonie, au Groenland. Et en fait, vous parliez du pôle, comment m'est venu l'appel du pôle. En fait, ça se passait, je me souviens très bien, ça se passait à la face nord de l'Everest. Et j'étais monté au camp 2 parce qu'il y en avait qui étaient bloqués au camp 6 par le mauvais temps depuis plus de 48 heures. C'était à 8000 mètres. À 8000 mètres, on ne tient pas longtemps en vie, vous voyez. Donc j'étais monté au camp 2 avec l'oxygène. Et j'étais tout seul, j'attendais un peu une éclaircie pour pouvoir progresser. Et tout d'un coup, je me dis, mais je vais avoir 40 ans. C'est peut-être le moment de faire la mienne, l'expédition, mon Cap Horn, mon Everest, vous voyez. Et le pôle Nord s'est résurgi comme ça, comme une évidence. Parce que ce n'est pas technique, le pôle Nord. Vous voyez, je n'avais pas les talents pour monter des expéditions himalayennes. On tire son traîneau, tirer le traîneau, on n'a pas besoin de faire des stages. Si je vous mets le traîneau à la taille, là, vous aurez compris dans la seconde, ce n'est pas compliqué. Et puis, c'est une ambiance de très haute montagne, de froid, de glace, etc. Et donc, moi, j'étais déjà un super campeur, vous voyez. Donc, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure polaire au pôle Nord. Votre premier grand défi, à hauteur de jeune fille, en tout cas, ou de jeune femme, significatif, qui va vous donner envie par la suite de participer à des compétitions, ça va être lequel, Isabelle Autissier ? Alors, il est un tout petit peu doux. D'abord, ça va être de fabriquer un bateau de mes petites mains. J'ai 20 ans, je commence à travailler, et évidemment, absolument pas les moyens de me payer un bateau. Et je viens de m'installer à La Rochelle. À La Rochelle, il y a des tas de vieux hangars en bois, qu'on appelait la ville en bois à l'époque. Et voilà, et je loue une travée avec un tas de tôles, un poste à souder, plein d'idées, et un peu de temps le soir, le week-end, les vacances, avec mon compagnon de l'époque. On va fabriquer un petit voilier d'une dizaine de mètres avec lequel après je partirai. Ça va me prendre 3 ans, et c'est quand même la première grande réalisation, où j'ai l'impression de me mettre justement un peu en déséquilibre vers l'avant, parce que j'apprends tout, j'apprends à souder, j'apprends, et puis je me dis, mais bon, j'espère que ça va marcher, quoi. J'espère que mon bateau, il va bien naviguer après. Et très rapidement après, dans les années qui suivent, je partirai avec ce bateau, et en revenant, je vais me lancer dans ma première compétition, la Transat 650, donc traverser l'Atlantique en solitaire sur des petits bateaux de 6,50 m. Et donc là, je découvre cette volonté de faire mieux, de comprendre mieux, de s'adapter mieux à la mer, d'apprendre des nouvelles techniques, et puis d'être dans cette espèce d'intensité incroyable que demande la course. C'est le seul sport que vous pratiquez 24 heures sur 24. Pendant, là en l'occurrence, on devait mettre à peu près un peu moins de 3 semaines, je crois, pour traverser l'Atlantique. Et vous êtes totalement dédié à ça. Bon, j'ai la chance que ça se passe bien, je vais gagner la première étape. Ça va m'ouvrir les portes de la course au large. Je me mets face à mes rêves, en fait. Elle est moins connue que Florence Artaud, mais sur un bateau, elle a forcé l'admiration des hommes. Isabelle Autissier vient de boucler son tour du monde en solitaire et en course. C'est la première fois qu'une femme accomplit un tel exploit. Elle termine 6e de la dernière étape du Box Challenge entre Punta del Este et Newport et 7e au classement général. Alors moi j'ai une chance formidable et je le dis tout le temps. J'ai des parents qui jamais de ma vie d'enfant ou de jeune fille ne m'ont dit qu'il y avait des choses pour les filles et des choses pour les garçons. Donc, j'avais aucune autocensure. Évidemment, ce que je savais, c'est que, par exemple, une fille dans un équipage, c'est difficile de se faire accepter. À compétence égale, c'est quasiment impossible. Ça tombe bien, j'avais envie de faire du solitaire. Parce que l'idée d'être seule, entre la mer et le ciel, c'est quelque chose que je trouvais... j'avais envie de vivre ça. Quand on est en solitaire, on est totalement responsable de tout ce qu'on fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aussi aimé dans ma vie. J'ai pas à dire c'est de ta faute, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ou voilà, ou fais-le pour moi, ou je sais pas quoi. Non, on est en face de soi-même et on y va, et on se retrousse les manches. Et c'était mon rêve et mon histoire, et il fallait que je le porte, moi, toute seule comme une grande. Je fais ça parce que profondément, j'aime être sur l'eau, j'aime être en bateau, j'aime voir la couleur de l'eau qui change, j'aime voir les nuages qui passent, j'aime voir mon bateau qui s'entend bien avec les vagues. L'univers de la mer est un univers quand même très particulier et dans lequel, moi, je me sens profondément en paix, profondément bien. Je monte sur un bateau, j'ai l'impression de rentrer à la maison, quoi. Je suis chez moi. Puis, il y a une notion de... Pour moi, une forme de plénitude de ma vie. C'est la vie que j'ai choisie, c'est ce que j'ai envie. C'est ce que j'ai envie depuis des années, depuis que je suis petite. Et donc je le réalise à chaque fois que je repars en mer, je réalise un petit bout de ça. Pierre Tardivel, vous avez 58 ans et vous êtes un ancien skieur de l'extrême, un skieur de pente raide. Ça veut dire quoi, skieur de pente raide ? Voilà, dur à expliquer parce que dans une station, une piste noire, c'est 35 degrés. En ski extrême, on parle de 50-55 degrés. Donc c'est pas encore de la verticale, mais on n'en est pas loin. Quand on est debout sur ses skis, bah si on tend le coude, on va toucher la neige. En tout cas, des pentes où on n'a pas le droit de tomber. Parce qu'on sait qu'on a un risque évident de mort ou de graves blessures. On peut peut-être définir le ski extrême comme ça. Qu'est-ce qui vous attirait dans cette discipline ? On se demande, vu que c'est extrêmement dangereux. Ben, c'est les sensations. C'est pas forcément le goût du risque. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'être attiré par ce danger. C'est plus les sensations et c'est la maîtrise de cet environnement qui est attirant. On a envie de se prouver qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. Vu de loin, c'est une activité complètement folle. On va dire, cette pente de neige, elle est complètement impossible à skier. Eh ben non, on va se prouver qu'on est capable de le faire et même d'y prendre du plaisir. Alors, il y a un petit côté flatter son ego qui est très présent, ça faut en avoir conscience. Mais c'est vrai que quand on montre aux autres qu'on est capable de faire un truc extraordinaire, c'est valorisant. Vous aviez quelque chose à prouver Bah, peut-être. Dans votre entourage. Je pense que tous les gens qui font de l'extrême ont quelque chose à prouver socialement. On montre qu'on est capable de faire des choses importantes, exceptionnelles, par rapport au commun des mortels. Et ça compte. Philippe Croizon, vous avez 53 ans. Et en 1994, alors que vous aviez 25 ans à l'époque, il vous est arrivé un accident. Qu'est-ce qui s'est passé ? La famille allait s'agrandir. Un petit bébé allait naître, j'avais déjà un grand garçon, Jérémy, âgé de 7 ans, et il a fallu déménager. Sur le toit de ma maison, il y avait une antenne de télévision, et je me suis dit, je peux pas la laisser, parce que ça coûtait quand même cher. À l'époque, j'étais ouvrier métallurgiste, et j'ai voulu démonter cette antenne moi-même. J'ai pris une échelle d'aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison, ouais, ces grandes maisons tourangelles, très très hautes, avec ses toits en ardoise bien pointus. Je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber, j'avais prévu toute la sécurité. Et j'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais j'ai posé mes deux tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre, et là ça va créer un arc, et là 20 000 volts vont traverser mon corps. Le courant est rentré par les mains et ressorti par les tibias. Il faut savoir que la régie, ils ont cru que c'était une branche qui était sur la ligne, et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé 3 fois le courant. Donc ça a brûlé mes membres, mes bras et mes jambes. Enfin, ça a plus que brûlé, c'était carbonisé. Et donc pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Et un long parcours de vie va commencer à partir de ce moment-là. Un redémarrage de vie. Au début, effectivement, quand on se réveille et qu'on n'a plus de bras et plus de jambes, le premier réflexe, c'est de dire « bah non, c'est fini, quoi. Ça s'arrête maintenant. J'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans ça ?» Alors j'ai un réflexe normal humain, c'est de vouloir partir. Et après, tout le monde est venu tenter sa chance pour essayer de me ramener à la vie. Mon père, ma mère, ils venaient derrière la vitre stérile pour me parler. « Allez, mon garçon, on revient, on est avec toi, on va t'aider. » Et non, ça fonctionnait pas. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui est venu et qui m'a dit « Philippe, pense à Jérémy. » Et il continue sa phrase, il y pense aussi à Grégory, parce que mon petit bébé, il est né 2 mois après l'accident. Quand je me réveille, je sors du coma 2 mois après mon accident, mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi. Et pour moi, c'était un coup de jus, mais virtuel cette fois-ci. Et à partir de ce moment-là, j'avais décidé de vivre, et je décide de me battre. Et à ce moment-là, je demande à une infirmière d'allumer la télévision, un vendredi soir. Elle allume la télé et je regarde Thalassa, et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage, Marion Hans. C'est la première chose que je vois. Et je vois cette fille qui se bat contre les éléments et son équipe qui l'encourage. Allez Marion, tu vas y arriver, nage, nage. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais tellement capté par les images que j'ai juste oublié. J'ai juste oublié qu'on m'avait mes bras, mes jambes. On me les avait enlevés et je vois la télé, je fais waouh, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je traversais pas la Manche à la nage? Et voilà, c'est rentré dans ma petite tête. Je me souviens une fois, je l'avais dit à mon père. On était à Noirmoutier en Vendée, sur le port de l'Herbaudière. J'étais dans mon fauteuil électrique. Je regardais l'île du Pilier qui était au large, très loin. Et je dis, hé papa, un jour je traverserai la Manche à la nage, papa. Et mon père, il m'a pas répondu cette journée-là. Mais j'ai vu dans ses yeux, il dit, oh zut, il a pas que les bras et les jambes qui ont cramé, lui. Il doit y avoir un court-circuit dans son cerveau, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Allez viens mon fils, on rentre. J'avais un rêve, vouloir traverser la Manche à la nage. Vous êtes en train de faire là, Géraldine Fasnacht? Je fais tout mon contrôle, le contrôle de mon matériel, donc ça c'est super important. J'ai monté mon harnais sur ma wingsuit, j'ai contrôlé mes zippers, j'ai contrôlé les points importants où il y a de la tension en fait sur mon aile pour être sûr qu'elle est nickel. Mais ça c'est aussi des choses que je fais à la maison quand je fais le pliage de mon parachute pour avoir la tête tranquille quand on vole. Est-ce qu'on pourrait la décrire un petit peu, cette wingsuit, à quoi ça ressemble, Géraldine Fasnacht? Alors, c'est comme une grosse combinaison de chauve-souris avec des grandes ailes entre les bras qui me rattachent au corps et une grande aile entre les jambes qui me prolonge un petit peu ma surface parce que l'aile est un peu plus longue que mes pieds. La même chose pour les bras, j'ai des sortes de petits bâtons en fait que je peux tenir dans ma main quand je vole, qui me prolonge la surface de l'aile, comme une chauve-souris volante, en fait. Certains la comparent à un écureuil volant. Ouais, l'écureuil volant. Ou... C'est plutôt l'écureuil volant, ouais. Des images à couper le souffle maintenant. Un saut en wingsuit du sommet du Cervin à 4478 mètres d'altitude. De longues secondes de vol plané pour un atterrissage parfait et la joie de l'avoir maîtrisé. C'est une première mondiale qui s'est déroulée le 7 juin dernier. Et sous cette combinaison, une femme, Géraldine Fasnacht. La Suissesse n'en est pas à son premier exploit, mais celui-là restera dans l'histoire. Là, c'était rigolo. Cet été, je suis arrivée au sommet d'une montagne et puis j'ai commencé à distribuer mon pique-nique parce que j'ai tellement peur de ne pas avoir assez à boire, pas avoir assez à manger, que je prends toujours trop. Et puis j'ai commencé, au fur et à mesure que les alpinistes ils arrivaient au sommet, je donnais mon sandwich, je donnais mon chocolat, je donnais... Puis au bout d'un moment, il y en a un qui m'a dit « Mais toi, tu vas faire comment pour redescendre? On en a pour encore 5 heures à redescendre, t'as plus rien dans ton sac. » Puis je dis « Mais moi, j'ai pas besoin, regarde, moi j'ai ça. » J'ai sorti ma wingsuit, j'ai sorti mon parachute et puis j'ai dit « Bah tu vois... » Le resto qui est là, moi, dans 3 minutes, je suis en bas, je pose ma wingsuit, puis je vais me faire une grosse bière avec une grosse croûte au fromage, et puis je penserai bien à vous. Et mon premier saut en base jump, en gros, c'était pas vraiment un saut de base jump, j'ai fait d'abord un saut de parapente. On a décollé des ruinettes, on est passé au-dessus de Verviers, il m'a largué dans la vallée. Puis après, j'ai fait mon premier saut de pont, qui était un vrai saut de base jump cette fois, parce que base, ça vient de building, antenna, span and earth. En français, ça veut dire building, quoi? Building, antenne, span, c'est tout ce qui est pont, barrage, et earth, c'est tout ce qui est falaise. Et ça, c'est tous les objets fixes desquels on peut s'élancer. Donc, premier pont, J'ai pas du tout aimé parce que ça reste un milieu urbain, il y avait des voitures. Donc j'ai fait mes 3 sauts obligatoires que je me suis dit obligatoires pour moi, pour être sûre que j'avais une bonne position à l'ouverture avec mon corps pour aller sauter ma première falaise. Et là, ouais, c'était mon truc. Puis en plus, mon premier saut, j'avais choisi de sauter une magnifique falaise qui est très déversante avec une magnifique cascade qui coule juste à côté. Et quand je suis partie, en fait, bah, le temps s'arrête presque. On a vraiment une autre perception du temps. Et puis, bah, je suis tombée à la même vitesse que les gouttes d'eau de la cascade qui était à côté de moi. Donc, on fait vraiment partie de l'élément. On fait partie de cette nature. Et puis après, bah, c'était un petit saut. Hein. J'ai fait 4 secondes de chute et puis j'ai ouvert mon parachute. Donc, c'était un petit saut. Et au moment où le parachute s'est ouvert et puis que j'étais sous voile, là, j'étais... Ouais, ben ouais, le base jump, c'est vraiment ça que je veux faire. Ok. 3, 2, 1, rase. Wouhou! En parler, vous revoyez les images de ce premier saut? Oui, je me souviens exactement en plus ce qu'il y avait avec moi. À cette époque-là, j'avais pas grand monde autour de moi qui faisait du base jump. Si on voulait en faire, fallait pas en parler. C'était très mal vu. On pouvait en tout cas pas plier son parachute de base jump sur une drop zone de parachutisme. Autrement, on était encore une fois mal vu. Donc du coup, j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi. J'ai appris à plier mon parachute toute seule avec un tutoriel sur une cassette VHS. Et là, quand vous êtes arrivé en bas, vous êtes dit, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner ou ça a pris du temps? Mes copains qui étaient avec moi, ils devaient rentrer. Moi, j'avais pas vraiment d'obligation. Du coup, j'avais mis un matelas dans ma voiture. Puis j'ai dit, moi, je reste 2-3 jours. Moi, je reste là, c'est trop bien. Je vais me refaire ça tous les jours avant le café, c'est nickel. Quand vous vous déplacez dans l'air comme ça en wingsuit, vous êtes à quelle vitesse? 170-180 km/h. Qu'est-ce qu'on ressent à 170-180 km/h? Ben, c'est la vitesse de croisière pour pouvoir se sentir en sécurité, pour pouvoir planer. Et puis, ben, c'est juste trop beau parce que souvent, ben, on suit des arêtes. Si par exemple, il y a des beaux nuages, et ben, puis que je saute d'un hélico ou d'un avion, ben, je demande qu'il me largue tout près des nuages. Comme ça, je vais tourner autour du nuage. Alors, des fois, il y a des halos, comme des arcs-en-ciel que je peux traverser ou... Quand je peux suivre une arête, j'aime bien jouer avec l'arête. Et puis c'est vrai qu'avec la vitesse, ben c'est juste magnifique. Isabelle Autissier, en 1991, vous allez être la première femme à effectuer un tour du monde en course, en solitaire, à la voile. Eh ouais, il en fallait bien une, c'est tombé sur moi. Bon, non, je l'ai évidemment beaucoup voulu. En fait, j'avais donc cette idée depuis toute petite que quand je serais grande, je ferais le tour du monde. Après, assez vite, c'est devenu « mais de toute façon, j'irai toute seule ». Comme ça, j'ai rien demandé à personne. Et donc voilà, tout ça s'est rejoint. Et ça me paraissait quand même être une montagne, ce truc. Et j'ai mis quand même pas mal de semaines à tourner autour de cette idée. J'y vais pas, je vais me casser la figure. Bon oui, mais quand même. Et à un moment, je me suis dit « mais au fond, c'est très simple, mon histoire. Si j'essaye pas, je saurai jamais si je peux y arriver ou pas. Et si j'essaye pas, je m'en voudrais toute ma vie ». Quelles sensations, quelles émotions vous gardez de cette première course autour du monde? La ligne de départ, c'est un sacré moment, quoi. Et donc, il y a à la fois cette espèce de libération intérieure et en même temps, un peu les jetons, quoi. Et du coup, ça crée une intensité incroyable. Et cette intensité, elle se traduit tout simplement dans la façon dont on regarde la mer, les nuages. C'est presque minute par minute qu'on est dedans, quoi, qu'on est une espèce de rythme. De l'extérieur, on a l'impression qu'il se passe peut-être rien. Peut-être que je suis sur le pont à regarder les nuages, mais en fait, à l'intérieur de moi, c'est, il n'y a pas une minute qui soit pas intense. J'allais dire, même quand je dors, bon, on dort par petits moments, évidemment, quand on est en solo. Voilà, on fait des petites périodes de 20 minutes, mais quand même, on est quand même aux aguets. On a une troisième oreille quelque part qui est ouverte. On écoute le bateau même quand on dort. Et puis, il y a ce sentiment de faire le tour de la planète. Ça, c'est incroyable, c'est magnifique. Vous savez, vous vous couchez sur le pont, vous regardez les étoiles et vous vous dites, waouh. Juste poussé par le vent, mille après mille, petit à petit, comme une petite fourmi, je vais faire ma route sur cette petite boule dans l'univers. Enfin voilà, il y a des sensations qui sont quand même, oui, vraiment, vraiment incroyables. Et je pense que ce genre de sensations-là, je crois qu'on ne peut les vivre qu'en bateau. Et c'est plus ce degré d'intensité que finalement finir troisième, deuxième, première, ou la performance et la compétition ou... Bah, la performance, la place, c'est la cerise sur le gâteau. Évidemment, on fait tout ça quand même pour gagner. Hein. Et franchement, on ne donne pas sa part au chat. Hein. On est vraiment dedans. Mais au fond, à la fin des fins, ce qui compte, c'est est-ce que j'ai tout mis dans la balance ? Si oui, bah, je suis à la bonne place à l'arrivée. Si je suis, j'ai fini septième de ce premier tour du monde. Bah, c'était ma place, sans doute. Les montagnards, ils ont un beau mot, ils disent que c'est engagé quand ils sont dans des voies difficiles. Et au fond, c'est ça aussi pour les marins. Mais ce que je sais, c'est que le jour où je suis arrivée, le matin où j'ai revu la rivière de Newport aux États-Unis d'où on était parti, ce qui m'a traversé la tête, c'est maintenant le reste de ma vie, c'est du bonus. Je voulais faire ça, je l'ai fait. Et ça, personne ne me l'enlèvera jamais. Gérard Guerrier, il y a un terme qu'on entend souvent dans la bouche de ces sportifs de l'extrême, c'est le mot engagement. Qu'est-ce qu'il revêt pour vous, ce terme d'engagement ? Alors avant de parler d'engagement, peut-être il faut parler exposition. Parce que souvent d'ailleurs c'est confondu. On dit « Ah, c'est expo ». Ok. Alors l'exposition c'est quoi ? C'est la qualité d'un milieu, on va dire le niveau de risque d'un milieu ou d'une pratique. Exemple, l'escalade en milieu aseptisé, par exemple en gymnase, est bien moins exposé que la cascade de glace en milieu naturel. Voilà. Ceci posé, l'engagement, c'est quoi ? Alors, étymologiquement, l'engagement, c'est la mise en gage. Je me mets en gage, donc forcément, ça sera difficile d'en ressortir. En fait, il y a cette notion, j'y vais, je ne sais pas comment je vais en sortir. Et ça peut aller jusqu'au non-retour. Aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des risques, mais avec un faible engagement. Pourquoi ? Parce que on a le GPS, on a la radio, on a la balise de secours, etc. Donc vous avez des grands aventuriers, entre guillemets, qui prennent des risques limités. Et puis d'ailleurs, moi ce qui m'énerve, un truc qui m'énerve énormément, c'est aujourd'hui le fait que le mot aventure soit complètement galvaudé. Vous savez, il y a une émission télévisée, Bear Grylls ou Mike Horn, etc., qui faisait des émissions un peu avec des candidats, etc. Non, c'est pas de l'aventure, ça c'est du show. Et il n'y a pas d'engagement. L'engagement, finalement, c'est le sérieux de John Kelevich. C'est la possibilité de mourir, d'y aller. Une des composantes du courage, évidemment. Jean-Louis Étienne, le premier homme qui est atteint à pied et en solitaire le pôle Nord après 63 jours de marche. Jean-Louis Étienne a été délivré de la banquise cette nuit. Un avion a finalement pu se poser à proximité de la tente à l'intérieur de laquelle le médecin toulousain attendait depuis 92 heures. Comment vous êtes préparé, Jean-Louis Étienne, à cet exploit, oui, après un premier échec, oui, en 85, oui, oui. Puis vous recommencez en 86 et là vous réussissez. J'avais en tête d'y aller seul. C'est intense, le solitaire. très intense. Vous voyez, vous avez la responsabilité de tout. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me convient dans l'engagement. Ça a duré 2 ans. Je suis allé à Resolute Bay, qui est le village tout au nord du Canada, pour voir à quoi ça ressemblait. Le gars qui tenait l'auberge, c'est un Indien. Il m'a dit, moi, je vous donne 1% de chance. Et C'était pas lourd. Et donc, ça, c'était en été. Puis j'y suis revenu. Bien sûr, je me suis préparé. J'ai construit moi-même mon traîneau. Et en 85, donc au mois de mars, début mars, j'ai découvert ce que c'était que le parcours vers le pôle Nord. C'était monumental. Ça me dépassait totalement. Je suis parti du nord du Canada. À vol d'oiseau, on va dire qu'il y a 800 kilomètres. Mais j'ai la banquise qui dérivait contre moi. Pour vous donner une idée, je suis resté bloqué 48 heures par le blizzard dans ma tente. J'avais perdu 16 kilomètres. Et en plus, ce n'est pas un chemin tout droit. Donc il faut chercher sa route à travers les crêtes de compression, à travers des zones qui sont trop fraîchement regelées, chercher le passage. Je pense que j'ai fait à peu près au moins la moitié en plus, peut-être 1000, 1200 kilomètres, ça c'est sûr. Avec comme objectif, Jean-Louis Etienne, de parcourir à peu près 20 km par jour. Hein. C'est ça que vous étiez fixé. C'est-à-dire que le pilote qui devait venir chercher, donc c'est un pilote avec un avion sur ski, un Twin, qui m'a déposé tout à fait au nord du Canada. Et il m'a dit, je ne reviendrai pas vous chercher après le 10 mai. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a une débâcle. La banquise est beaucoup plus fragile, elle ne se regèle pas. Et donc, ils n'ont plus envie de se poser sur une banquise qui est instable. Et donc, j'avais une date à respecter. Et donc, quand je voyais au début que je faisais 8 km dans la journée, c'est-à-dire 1 km à l'heure, et que j'en avais encore 800 ou 1000 devant, je me disais, mais je n'y arriverai jamais. À quoi ça sert de me démener, quoi, hein ? Et je pense que c'est pour ça que la majorité avant moi avait abandonné. Direction nord. Je progressais de 1 km à l'heure à peu près. J'avais mon traîneau qui faisait une centaine de kilos. Et j'ai eu moins 52 dans la tente un matin. Donc tout ça fait que je me sentais totalement dépassé, mais j'ai persévéré quand même. Et au bout de 15 jours, je suis tombé dans une faille. Et je me suis vraiment blessé à l'épaule. Je pense que la faille était là pour me sauver, quoi. J'atteignais un peu les limites de ce que je pouvais encaisser, physiquement, mais aussi psychologiquement. Ça, c'était la première fois. Première tentative en 85, et donc même en 86 après, j'y suis revenu. J'ai appris, j'ai fait un nouveau traîneau qui pesait 3 kilos. En fait, j'ai changé de matériaux. Le premier pesait 100 kilos et le second pèse 3 kilos. Ah non, mais 100 kilos plein. Non, plein. Et donc, vide, il pesait 17 kilos, ce qui était déjà pas mal. Mais pour vous donner un exemple, donc je suis arrivé à Resolute Bay avec ce nouveau traîneau, donc en 86, quand je suis revenu. Il était tout en Kevlar avec des raidisseurs en carbone. Il pesait 3 kilos. Et donc, il y a un Inuit qui travaillait à l'aéroport, si on peut dire. Donc, c'était un hangar. Il revient vers le mec de l'auberge. Là, on me traduit parce qu'il parlait en Inuktitut. Et il me dit, il est inquiet parce qu'il n'y a pas le traîneau, mais il n'y a que l'emballage. Donc, mon traîneau, qui était couleur Kevlar, un peu jaune, il avait pris pour du carton d'emballage de mon traîneau. Donc, c'était très révolutionnaire. Et il m'a vu revenir, le mec de l'auberge, avec du nouveau matériel, etc. Je te donne 2% de chance. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de tentatives qui avaient été faites avant moi. Il n'y en avait que 4 qui avaient réussi. Il y avait une équipe de 4 Finlandais qui avaient réussi, en tirant leur traîneau, à atteindre le pôle Nord. Et donc, le gars qui est de l'auberge, il me disait, mais attends, ceux qui ont réussi, c'est des Finlandais. Moi, je suis du sud de la France, de Toulouse. On ne voit pas un mec de Toulouse qui va atteindre le pôle Nord. Enfin, c'était rigolo. Mais je savais où j'allais. Et donc, j'ai résisté à la tentation de l'abandon. Incroyable, extraordinaire, des mots trop... trop faible pour saluer cet homme. Philippe Croizon a 42 ans, il est polyhandicapé, voilà pour le terme technique. La réalité, c'est qu'il n'a ni bras ni jambes. Après plusieurs années de préparation, il s'est lancé, il a entrepris la traversée de la Manche, 33 km avec des prothèses spéciales prolongées de palmes, et 14h30 plus tard, hier soir, la terre d'Angleterre et le bonheur. J'avais un rêve, vouloir traverser la Manche à la nage. Et je sais pas que je vais rentrer dans l'extrême. J'ai jamais été sportif de ma vie. À ce moment-là, j'ai 40 ans, je suis gras comme un petit lardon. Alors effectivement, il y en a plein qui m'ont dit non. On m'a dit, mais non, arrête, c'est pas possible. Mais il y en a qui ont dit oui. Et l'aventure commence avec ceux qui disent oui. Moi, ce qui m'a amené dans mes aventures, ce qui m'a permis de tenir, c'est que des gens ont cru en moi. Des gens ont cru en moi, des gens ont financé mes prothèses pour que je puisse nager, des gens m'ont soutenu. Et ça, moi, quand j'avais le doute que j'étais pas bien, que je chialais, que j'étais au bout de ma life parce que c'était trop dur et ainsi de suite, je pensais aux gens qui m'avaient accordé leur confiance. Je peux pas les décevoir, tous ces gens-là. Au plus fort de l'entraînement, j'étais à 35 heures de natation par semaine, 6 heures de gainage. C'était manger, dormir, nager tous les jours. Et après, on faisait les entraînements dans des lacs qui venaient de dégeler, il faisait 0 degré, tombait de la neige. Il fallait que je nage là-dedans pendant 7 heures. Et après, au fur et à mesure, quand j'ai traversé la Manche, quand on a traversé la Manche, parce qu'il y a l'équipe, on a reçu plein de messages de gens qui m'ont dit « Merci, tu nous as permis de nous ouvrir les yeux. Quoi. Si toi, tu as fait ça, nous, on peut faire notre vie aussi. Quoi. On peut faire des choses, pas des choses grandioses, mais des choses grandioses pour soi-même. La traversée de la Manche, c'est la cerise sur le gâteau. Le plus beau, c'est les 2 ans de travail. Avec l'équipe, la transformation du corps, le doute, la violence. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu mener les aventures et aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire. On dit « Waouh !» On se retourne, on dit « Waouh !» C'est moi qui ai été capable de faire ça. C'est moi qui ai été capable de nager 50 mètres, là. Parce que la première fois, quand je me suis mis dans l'eau, j'ai coulé. Parce que j'ai pas dit à mon équipe que je savais pas nager, je voulais leur faire la surprise. Ah ouais, pour convaincre des gens, il faut pas trop leur dire tout de suite. Et donc, la première fois, j'ai coulé. Et ils sont venus me chercher au fond de l'eau. Bon, j'avais des prothèses, elles faisaient 3 kilos par jambe. Et après, il y a eu les premiers 50 mètres, et après, il y a eu les premiers 1 km, après les premiers 10 km, et ainsi de suite. Et après, il y a eu la première traversée de la Manche sans bras, sans jambes. Donc voilà. Okay. Quand vous marchez, le corps forcément produit de la chaleur, puisque c'est un exercice physique, quoi. Vous n'avez pas froid, même s'il fait très très froid dehors. On a un froid au visage, on a des gelures. Mais dès que vous vous arrêtez, que le corps est immobile, qu'il ne produit plus sa chaleur, qu'il faut la lui fournir, vous voyez. Là, je savais que j'étais en hypothermie, mais j'avais eu des expériences de bivouac un peu compliquées en montagne déjà. Et donc je savais ce qui m'arrivait, je faisais des tables de multiplication pour maintenir ma vigilance, quoi, hein, parce que j'avais des températures extrêmement basses et les nuits me paraissaient interminables. Et c'était une immense solitude, c'était 86, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, vous voyez. Donc j'étais seul avec le monument que je m'étais inventé, quoi. C'est un parcours très ambitieux, vous voyez, quand même, aller seul au pôle Nord. On y va avec cette idée qu'on va se prouver aux autres quelque chose. Il y a un orgueil, quand même, dans ce parcours. Et tout d'un coup, j'ai eu l'image de moi, à un moment donné, de ce mec qui était là sur la banquise, au milieu de rien, de ce petit mec. Et je lui dis, mais c'est moi. Et c'est moi, c'est toi. Je me disais, c'est toi, mais tu es dans ton rêve. Je devais, vous voyez, me convaincre que j'étais dans mon rêve, quoi. Et tout ça, ça m'a transformé petit à petit. Et ça m'a libéré, et j'ai résisté jusqu'au bout. Je suis arrivé après 63 jours de marche, et je me suis arrêté. Là, j'ai dit, je l'ai fait. Et ça a été une libération du travail accompli, vous voyez, du sommet atteint. Et donc j'étais seul, je parlais au traîneau, je parlais au réchaud. Et moi, ce que j'ai retenu de toutes ces expéditions, c'est qu'en fait, on ne repousse pas ses limites, on se découvre. C'est Nicolas Bouvier. L'usage du monde, régulièrement, je me lis cette phrase à moi-même, quoi. Hein. Voilà, il vient de terminer son voyage, donc, et il part, il va quitter l'Afghanistan. Mais 10 ans de voyage n'auraient pas pu payer cela. Ce jour-là, j'ai bien cru tenir quelque chose et que ma vie s'en trouverait changée. Mais rien de cette nature n'est définitivement acquis. Comme une eau, le monde vous traverse. Et pour un temps, vous prête ses couleurs, et puis se retire, et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. C'est extrêmement touchant et c'est quelque chose que j'ai pu partager parce que vous revenez d'un voyage qui vous a nourri déjà dans l'idée, et puis jamais ça s'arrête, quoi. Ce désir de repartir devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. C'est explorer l'existence, quoi, hein. C'est cette nécessité d'avancer, d'aller voir, d'explorer. En même temps, c'est un mélange d'insatisfaction permanente, quoi, et la quête de quelque chose, c'est la quête de toute une vie, en fait. Qu'est-ce qui vous motive, vous, Géraldine Fasnacht? J'ai pu lire dans un article qui vous concernait, puisque voilà, vous êtes quand même une star du snowboard, mais aussi maintenant du base jump. Au départ, vous parliez beaucoup d'adrénaline, de montée d'adrénaline. Est-ce que c'est toujours ça qui vous motive? On m'a expliqué que c'était ça quand on atterrissait, puis qu'on avait cette grande joie, et puis qu'on tremblait de partout, et puis qu'on avait envie d'y retourner tout de suite. On m'a dit que c'était ça, c'était une piqûre d'adrénaline. Donc, ouais, une sorte de shoot d'adrénaline. Mais c'est bien, puis ça fait beaucoup de bien. Et du coup, c'est aussi ce qui, je pense, amène à l'addiction, c'est que plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Et ça passe par quoi? C'est des sports où il ne faut pas avoir la seconde de retard. C'est comme quand on pilote un avion, je suis aussi pilote d'avion. On prépare son plan de vol toujours vraiment pour avoir, en aviation plutôt, la minute d'avance. En wingsuit, ça se compte en secondes. Il faut avoir la seconde d'avance. Il ne faut pas se dire qu'on est en retard, parce que là, c'est déjà trop tard. Si on ne réfléchit pas à ce qu'on fait et puis qu'on pense que c'est trop facile, il y a un jour, on oublie quelque chose. Et ça demande beaucoup d'énergie, et c'est pour ça que quand je finis une ouverture, je suis out pendant... Ça me prend quelques jours à me remettre, et puis c'est pour ça que je pense que c'est aussi super important d'avoir plein d'autres choses qu'on aime faire dans la vie, que ce soit la musique, de l'art, aller au cinéma, voir ses copains, aller se faire un bon resto ou plein d'autres choses. C'est que quand on ouvre un sommet, ou quand on gagne le Bec des Rosses, ou quand on ouvre le Cervin ou les Grandes Jorasses ou des sommets aussi incroyables, ben on a l'impression qu'on n'a plus de limites, on a l'impression qu'on est les rois du monde, on a l'impression qu'on est Superwoman ou Superman ou je ne sais plus. Ouais, qu'on n'a plus de limites. Et ça, c'est super dangereux. Et après chaque grosse ouverture ou chaque gros moment, j'adore poser mes affaires pendant quelques temps puis faire quelque chose de complètement différent. Prendre le temps de reposer les pieds sur terre, de se dire qu'on est tous des humains, qu'on est tous fait pareil, qu'on n'est pas des oiseaux et puis qu'on ne le sera jamais. Ça, vous le perdez jamais de vue? J'ai eu peur un jour de me brûler les ailes, oui. Et c'est pour ça que là, je suis carrément rentrée chez mes parents, dans mon petit village d'enfance. Puis j'ai eu besoin de revoir mes copains d'enfance, j'ai eu besoin de vraiment de revenir à la source. Après le Cervin, pour moi, c'était trop d'émotions. Gérard Guerrier, pour vous, tous ces sportifs de l'extrême et ces aventuriers sont décourageux ou sont pas décourageux? Si vous voulez, en gros, pour faire simple, allez, 3000 ans de philosophie en 4 mots. Le courage, c'est la lucidité. Donc la plupart de ces sportifs extrêmes sont lucides. La deuxième dimension, c'est l'élan. Alors l'élan, c'est une force vitale. On va pas développer, mais les premiers philosophes chrétiens se posaient des questions sur l'origine de cet élan, et saint Augustin pensait que ça venait de la grâce de Dieu. Alors on va dire que nos sportifs extrêmes ont la grâce de Dieu. En tout cas, ils ont cet élan, ils ont cette énergie vitale qui fait qu'ils vont y aller. La troisième dimension du courage, c'est la persévérance. Donc il faut aller jusqu'au bout de l'acte. Puis la quatrième dimension, c'est la dimension morale. C'est la différence entre le courage vertueux et le courage brut. Le courage brut, c'est celui de Homère, etc. Alors là, c'est la grande question, c'est est-ce que les sportifs extrêmes sont vertueux? La plupart, on revient aux motivations, tout dépend des motivations. Est-ce qu'on le fait pour la gloriole, pour vaincre la mort? Bon, ça n'est pas très glorieux, parce que c'est une illusion. Ou est-ce qu'on le fait pour devenir une meilleure personne? Donc là, pour moi, on est dans la vertu. Alors bon, il y a certains philosophes qui ne seraient pas d'accord. Je pense à Hannah Arendt qui pense que le courage, il est forcément pour le bien public. Mais moi, je pense que si on est une meilleure personne, on est mieux armé pour être altruiste et faire preuve de compassion. Bon, ça, c'est une conclusion personnelle. Moi, j'ai toujours été très critique envers les jeunes qui vont trop vite et qui vont tout de suite faire des descentes très, très raides, bien trop dures pour leur niveau. Et c'est là qu'on risque de faire des fautes techniques. Vous, vous avez ouvert une centaine de voies, je crois, dans les Alpes. Oui, alors c'est beaucoup et pas beaucoup. Avec le recul, je me dis que c'est pas beaucoup parce que en 30 ans, ben non, j'en faisais 3, 4, 5 ouvertures par an. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui sont très, très motivés, très pressés, mais ils peuvent en faire 10 par an. C'est sûr que quand j'étais encore en activité, 100 premières, c'était énorme en ski. Et jusque dans l'Himalaya, en plus. Je sais pas si la motivation que j'avais à l'époque était bien saine. Parce que là-haut, à cause de l'altitude, les vents sont toujours très violents et on n'a jamais de bonne neige. Autant dans les Alpes, on va attendre 3-4 mois pour avoir la neige parfaite pour trouver du plaisir. Autant en Himalaya, on va prendre ce qu'on trouve parce qu'on peut pas attendre. On est là, on a un créneau de 2 semaines, il faut y aller. Bon, ben, la neige, c'est de la tôle, c'est de la glace, c'est dangereux, faut y aller quand même. Et non, c'est pas forcément du ski plaisir. J'ai l'impression qu'on va plus là-bas pour la gloire, pour ce que ça représente pour tous les autres, pour les sponsors, pour la famille, pour les amis. Alors évidemment, c'est le dépassement de soi. Hein. Est-ce qu'on est capable de monter à 8000? Est-ce qu'on aura la force? Comment ça va se passer à la descente? Est-ce qu'on va savoir analyser tous les risques qui sont bien, bien plus importants que dans les Alpes? Après, il y a plein d'enjeux financiers qui étaient détestables. Il y a des problèmes de concurrence que j'ai mal vécu. Enfin voilà, j'ai fait 2-3 années en Himalaya, mais c'est pas ce que je retiens de plus beau dans ma carrière. Bon, j'ai pu aller très haut, parce que j'avais le record à l'époque d'altitude. C'était pas le sommet de l'Everest, parce que je me suis arrêté 100 mètres dessous. Mais en 92, bah, c'était la première fois qu'on chaussait des skis aussi haut. Vous étiez à combien? Bah, c'était le sommet sud de l'Everest, à 8760, sachant que l'Everest était à 8848. Il manquait pas grand-chose. Et votre motivation, c'était quoi en l'occurrence, Pierre Tardivel? Franchement, à l'époque, je vivais du sponsoring en 92. Je faisais plein de premières dans les Alpes. Les sponsors me soutenaient. Je gagnais ma vie avec ça. Et on veut toujours faire plus. Hein, il y a une surenchère. Est-ce que, franchement, si j'avais pas eu ces sponsors, si je gagnais pas ma vie, est-ce que je serais allé chercher ce genre de projet? Je suis pas sûr. Je serais peut-être resté simplement dans les Alpes. Donc cette motivation de faire des choses extraordinaires pour gagner sa vie, bah, je trouve ça malsain. Et moi, je constate que on a des dizaines et des dizaines de Français qui sont allés mourir en Himalaya, alors que dans les Alpes, c'était des stars, ils faisaient des choses extraordinaires. Mais les sponsors, les médias, leur imposaient de faire toujours plus. Et toujours plus, dans les Alpes, ça veut dire tout d'un coup se mettre à faire du solo. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des exploits avec un copain, avec une corde, ben on les fait tout seul, parce que dans les médias, ça passera mieux. Après, ben, ils vont faire ça en hiver, parce que ce sera plus impressionnant. Après, ils vont en Himalaya. Après, ils vont faire en Himalaya en hiver, ainsi de suite, quoi. C'est de la folie. Il y a une surenchère qui est vraiment dangereuse. J'en ai côtoyé des copains qui jouaient ce jeu-là, et je les ai tous vus disparaître en Himalaya. L'Himalaya, c'est autre chose, hein. On se retrouve à 8000, loin de tout. Les copains, ils vont mettre 3 jours pour venir et de toute façon, ils ne pourront rien faire pour nous parce qu'on peut pas porter quelqu'un à 8000 mètres. L'hélico, il peut même pas monter. Enfin, ça fait peur, quoi. Et quand on est là-haut, on n'a pas la force de dire non, de renoncer. Quand il y a 100 km/h de vent dans les Alpes, on se pose même pas la question. On rentre à la maison. On reviendra la semaine d'après. Isabelle Autissier, vous avez réalisé plusieurs courses en solitaire à travers le monde au cours de votre carrière de navigatrice. Et entre 94 et 99, vous avez connu, comme ça, à plusieurs reprises, des déboires. J'ai fait des figures qui n'étaient pas dans le manuel. Bon, après, si on ne veut pas ça, il ne faut pas partir en solitaire autour du monde, en particulier dans les 40e et les 50e sud. C'est heureusement pas obligatoire de se casser la figure, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'histoire. Donc il faut le préparer énormément à l'avance. Il faut avoir des plans A, des plans B, des plans C, il faut avoir des formations, il faut s'être mis dans la tête, qu'est-ce que je ferais si je heurte un iceberg, qu'est-ce que je ferais si ceci, cela. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire ce travail-là, bien m'en a pris parce que de fait, une première fois, je vais donc démater, construire un gréement de fortune, m'arrêter à Kerguelen, refaire un gréement, repartir, et là, me faire rouler par une vague où je vais faire un 360 et le bateau va être complètement HS. Donc, j'ai plus de cabine qui est arrachée, j'ai plus de mât, j'ai plus de gouvernail, j'ai plus rien. Bon. Et là, il faut s'organiser pour durer le temps que les Australiens, puisque je suis à peu près 2000 km au sud de l'Australie, puissent venir pour me récupérer. Bon. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, 99. Le bateau se fait embarquer par une très grosse vague au milieu du Pacifique et le bateau est retourné et reste à l'envers. Alors ça, évidemment, c'est pas terrible non plus. Mais je suis le seul bateau de toute la flotte et le premier dans l'histoire à avoir imaginé que ça pouvait m'arriver. Et j'ai développé avec mon équipe des techniques qui vont me sauver la vie. C'est-à-dire, par exemple, la balise de détresse qui, normalement, est sur le pont. Je me suis dit, si elle est sur le pont, elle servira plus à rien. Donc, j'ai fait fabriquer un petit cordon spécial et un truc spécial pour pouvoir faire que l'antenne de la balise de détresse puisse passer à travers la coque si le bateau est à l'envers. Après, je me suis dit, si je suis dans ma cloche à fromage dans le bateau, je vois pas ce qui se passe. Donc, j'ai fait mettre un hublot à l'arrière, parce que à l'arrière du bateau, c'est toujours en dehors de l'eau, quel que soit le sens du bateau. Après, je me suis dit, s'il faut que j'évacue le bateau, mon radeau de survie, il est sur le pont, j'y aurais plus accès. Donc, je l'ai fait mettre à l'arrière aussi dans un... Enfin, voilà. J'ai tiré le fil de tout ce qu'il fallait pour que, si le bateau était à l'envers, moi, je puisse m'en tirer. Revenons à 99. Alors là, comment vous réagissez quand le bateau se retourne? Vous dites, bon, j'ai quand même anticipé un certain nombre de trucs, mais vous devez faire face quand même? C'est là la ouais, c'est quand même, peur, d'abord, quoi. C'est extrêmement violent. Donc, il y a quand même une sorte de sidération. Et puis après, il y a un moment où j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une hémisphère du cerveau qui marche. C'est celle qui est complètement technique et qui n'a pas d'affect. Je rouvre les yeux, il n'y a plus de cabine, tout est arraché, donc il y a un gigantesque trou dans le pont, l'eau rentre, il faut vider le bateau, voilà. Et je prends un seau et pendant 2 heures, je vide le bateau. Et je me pose pas de questions. Après, je me pose. Et là, je décide de déclencher ma balise de détresse, qui va donc alerter. Et après, on fabrique une tente pour que l'eau rentre pas trop dedans. Et après, on commence à rassembler du matériel de survie autour de soi. Et après, on fait ci, après, on fait ça. Et on est dans une dynamique positive. Et ça, c'est extraordinairement important. Comme dirait monsieur de la Palisse, tant que je suis pas morte, je suis encore vivante. Et même à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai plus rien à faire, je vais ranger le bateau. Voilà. Et j'ai fait ma petite ménagère. Mais j'étais toujours en train de progresser vers un dénouement. Alors, il faudra presque 24 heures avant que je voie tourner en l'air le premier avion de la Royal Navy australienne. Mais là aussi, c'est un moment où ouais, j'y crois quand même. Hein. Je suis quand même assez positive dans ma tête. Sinon, je ferais pas ce métier-là hein, si j'étais une angoissée permanente. Je vais vous titiller un peu, Jean-Louis Etienne. Est-ce que c'est le signe d'une insatisfaction chronique ou d'une forme d'instabilité psychique ou oui. Qu'est-ce qui fait qu'on y retourne comme ça et qu'on a envie de se mesurer aux éléments? Alors je dis que ça doit bien soigner quelque chose. Hein, je ne veux pas. Elle est où la faille? Je m'investis totalement dans ce que je fais et ça me comble. Je suis bien dans ce que je fais, je m'engage. Vous voyez, je demandais à Théodore Monod, que je croisais de temps en temps, j'ai dit, Théodore, est-ce qu'on te dit à toi, tu vas dans le Sahara? Donc Théodore était toujours dans le désert chaud du Sahara, parce que tu aimes le chaud. Il me regarde et me dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce que moi, on me dit, tu dois aimer le froid pour aller là-bas. On n'aime pas le froid. Le froid, on est des animaux à corps chaud. Le froid au pôle, c'est comme l'extrême chaud. Ça. Il entretient le désert. Je pense que c'est ça qui m'intéresse. le désert, vous voyez. Et ce désert que j'ai côtoyé dans une immense solitude, on apprend à vivre avec soi-même. C'est parce que moi, on me dit, mais vous avez la passion, ça a l'air facile. Mais non, la passion, c'est comme le feu. Si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête, vous voyez. Et les bûches, elles ne sont pas au fond du jardin, des fois. On va loin les chercher, les bûches. Par exemple, c'était trop dur pour moi, le pôle Nord. C'était trop dur. Et je cherchais une raison d'abandonner. Je me disais, si tu pouvais te casser une jambe, vous voyez, revenir sur une civière à un héros, et le découragement, il est là tout le temps. Le découragement est un test permanent à franchir pour réaliser quelque chose de grand, quoi. Christian Maubin est un poète qui me soulage de temps en temps par ses phrases, et donc il y en a une que je m'approprie, que je me récite régulièrement. Il y a une étoile mise dans le ciel pour chacun d'entre nous, assez éloignée pour que nos erreurs ne viennent jamais la ternir. Cette espèce de refuge cosmique que tout d'un coup, on n'est jamais toujours satisfait de ce que l'on fait dans la vie, on se sent des fois qu'on a des choses à se reprocher, mal à l'aise par les comportements qu'on a eus, mais se réfugier dans cette étoile qui vous pardonne tout de temps en temps, c'est un moment d'apaisement. S'accomplir dans l'exploit, avec Jean-Louis Etienne, Géraldine Fasnacht, Isabelle Autissier, Pierre Tardivel, Philippe Croison et Gérard Guerrier, avec des extraits de Arctique de Joe Peña. Prise de son, Christophe Papon, documentation, Annelise Signoret, attaché de production, Marie-Yvonne Abolivier, coordination, Perrine Kervran. Un documentaire de Jérôme Sandelars et Yvon Croisier.